regarde comment on vit. J'ai poussé mon premier cri, poussé mon premier souffle. J'suis là pour accomplir et pas pour défaillir. Ma marge de manœuvre est infime. Quand tu te prends une balle, tu te relèves seulement dans les films. Parce que courir après l'argent peut gâcher une vie. Parce que le manque d'argent aussi peut gâcher une vie. C'est vrai. Tu vois, je cours après l'équilibre. J'ai l'œil plus gros que le ventre, comprends que ce soit difficile. J'ai rêvé d'un gratte-ciel pour finalement avoir un HLM. J'ai rêvé de caresser le ciel sans décoller de mon siège. Tu vois, des fois j'oublie que je suis le commun des mortels. Ma faim est énorme, mes ambitions sont gigantesques. Le but final d'un chacun est de vivre en paix. Chaque homme a rendez-vous avec son histoire, qu'elle soit pavée de malheur ou de gloire. Regarde nos vies. Regarde comment on vit. Mais regarde nos vies. Regarde comment on vit. Regarde nos vies, j'ai 25 ans, un quart de siècle. J'ai connu tous les vices et tous les pièges. Je raconte ma vie, consonne, voyelle. Si maman voyait que son fils consomme que du Jack Daniels. Depuis que je vis tout seul, c'est plus pareil. Depuis que je vis tout seul, je flirte trop avec la bouteille. Ma vie finalement, c'est un carton dans une brouette. Demande au SDF ce que veut dire le mot poubelle. Tu sais, des fois on choisit pas, on s'accommode. Trop souvent on choisit pas, on s'habitue. On prend ce qu'on nous donne parce qu'on sait que la vie est dure. La seule chose qui est sûre, c'est que tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour, que tu sois président ou mendiant. 900 euros par mois, quel faible rendement. Je fais du social, pas du commercial. Chez nous, le génie ne sort jamais de son bocal. Mais regarde nos vies. Regarde comment on vit. Mais regarde nos vies. Regarde comment on vit.